France chaque année. L'antibiorésistance est responsable de 125 000 infections et de 5 500 décès. Et ces chiffres seraient amenés à augmenter à mesure que sont découvertes de nouvelles souches bactériennes multirésistantes contre lesquelles même les antibiotiques de dernier recours ne fonctionnent plus. En novembre dernier, le gouvernement a débloqué un fonds de 40 millions d'euros d'investissement pour tâcher de découvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. La phagothérapie très prometteuse, prenant plus de temps à se développer, entre autres pour des raisons d'imbrevetabilité et de manque de rentabilité pour les laboratoires pharmaceutiques. Antibiorésistance, la résistance s'organise, c'est le programme combatif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le point sur les nouvelles pistes de recherche, tant sur les mécanismes qui produisent de l'antibiorésistance que sur les pistes donc thérapeutiques pour la contourner, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Luc Ménardi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur dans l'unité INSERM 1138 et responsable du service de microbiologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, Université Paris-Descartes. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Poitou à Poitiers avec France Reblot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Poitiers, vice-présidente de la Société des pathologies infectieuses et présidente du Conseil national professionnel des infectiologues. Ceci étant dit, eh bien comme chaque jour, vous pouvez suivre en parallèle cette émission, quel que soit votre mode d'écoute, via notre fil Twitter @laméthodefc où on va poster tout au long de l'heure un certain nombre de liens vers des études justement dont il sera question, mais aussi vers des schémas qui vous permettront de compléter votre écoute de cette émission. L'une des sources parfaitement identifiées du développement de l'antibiorésistance, outre l'usage vétérinaire massif sur les animaux d'élevage, on en reparlera peut-être, c'est le recours systématique et abusif aux antibiotiques pour traiter des affections de type viral, comme les angines par exemple. Et comme vous venez de l'entendre dans notre passage d'antenne avec Mathieu Grégoulagrange, la campagne publicitaire gouvernementale du début des années 2000 a eu un effet mesurable sur les mauvaises habitudes, souvenez-vous. Dis donc, t'as l'air malade. Oui, j'étais chez le médecin, j'ai une angine. T'es sous antibiotique ? Non. Donc t'es pas malade ? Si, j'ai une angine. Alors t'es sous antibiotique ? Non. Alors t'es pas malade ? Si, j'ai une angine. T'es sous antibiotique ? Trois angines sur quatre sont d'origine virale et se soignent sans antibiotiques. Si c'est le médecin qui le dit, vous le croirez ? Non. Donc t'es pas malade. T'as l'air malade. T'es sous antibiotique ? Non. Mais il est pas malade alors ? Les antibiotiques, c'est pas automatique. Parlez-en avec votre médecin. Bon, il est malade ou il n'est pas malade, Jean-Luc Ménardi ? Non, je crois qu'il n'est pas malade. Non. Vous avez cité donc cette campagne de 2002. Il y a eu un travail récent qui a été publié en 2015 sur une étude européenne qui montrait que 55% des Européens ne savaient toujours pas que les antibiotiques n'étaient pas actifs contre les virus. Et il y avait à peu près 44% des Européens qui pensaient que ça marchait sur la grippe ou sur d'autres infections virales. Donc vous voyez que même en l'espace de 13 ans, il y a eu, hélas, peu de chemin de parcouru sur cette notion, les antibiotiques, ça ne marche pas sur les virus. Néanmoins, France Reblot, cette campagne, on en parle beaucoup, on l'a entendu, ce slogan est rentré dans les esprits. Est-ce qu'il a quand même tout de même un peu contribué à faire changer les pratiques, à faire changer les prescriptions, à faire changer aussi les habitudes des patients qui, pour certains d'entre eux, n'avaient pas l'impression d'être soignés quand on leur prescrivait pas d'antibiotiques ? Alors oui, ça a eu un impact considérable et ça a fait diminuer de façon très notable les prescriptions d'antibiotiques, en particulier dans toutes les infections virales, comme le soulignait Jean-Luc Ménardi, c'est-à-dire dans les infections pour lesquelles on n'en a pas besoin. Néanmoins, comme toujours, les choses s'essoufflent. Et entre 2002 et 2007-2008, on a vu les choses s'améliorer de façon spectaculaire. Et puis ensuite, il y a eu une petite stagnation dans la diminution des prescriptions. Et depuis quelques années, on voit que ça repart à la hausse, malheureusement. Donc il faut revenir à la charge en termes de communication. On en est où aujourd'hui du développement de l'antibiorésistance ? Quels sont les chiffres dont on dispose en épidémiologie, par exemple, Jean-Luc Ménardi ? Eh bien, en fait, c'est assez inquiétant, tellement inquiétant que l'OMS a déclaré que c'était un fléau mondial. Et ça a été ensuite repris par un certain nombre d'instances gouvernementales, qu'elles soient nationales ou internationales. En termes de chiffres, il y a eu un travail qui a été réalisé par un économiste britannique qui s'appelle Jim O'Neill, qui estime qu'en 2050, si rien n'est fait sur cette thématique de résistance aux antibiotiques, il y aura environ 10, millions de personnes qui mourront à cause d'un problème de résistance, qui place le problème de la résistance même devant le cancer. C'est ça, ça deviendrait la première cause de mortalité mondiale en 2050. D'ailleurs, je vais vous renvoyer, puisque nous avions consacré au tout début de la méthode scientifique, hein, c'était en septembre 2016, c'était l'une de mes premières émissions, à cette question d'antibiorésistance. On va essayer de ne pas répéter entièrement ce qui s'est dit, donc on va vous mettre le lien sur le fil Twitter vers cette émission, et on va voir justement un peu comment les choses ont évolué depuis, et notamment, je l'évoquais dans l'introduction, France Roblot, peut-être un mot, puisque dans cette émission d'il y a 2 ans et demi, on parlait beaucoup de la phagothérapie en disant que ça allait certainement nous permettre à très court terme de contourner ces problèmes d'antibiorésistance. Et 2 ans et demi après, les résultats ne sont pas tout à fait à la hauteur des attentes. Alors c'est quand même long de faire des études médicales qui permettent de démontrer l'efficacité de médicaments nouveaux, d'innovations thérapeutiques. Les phages, on les connaît depuis très longtemps. Vous savez qu'il y a les pays de l'Est qui les utilisent depuis très longtemps, mais dans des conditions qui ne sont pas... on va dire, dont la rigueur scientifique ne nous paraît pas toujours établie. Donc, depuis le début du XXe siècle, France, hein, depuis 1917 à peu près. Absolument, absolument. Ouais. Donc il y a des études qui se mettent en place en France, mais c'est très compliqué parce que les phages, il faut d'abord arriver à fabriquer des phages spécifiques de certaines bactéries, et puis il faut savoir comment on va les administrer. On administre des virus qui sont capables d'aller détruire certaines bactéries. Donc est-ce qu'il faut les administrer par voie injectable? Est-ce qu'il faut les administrer par voie locale? Oui, c'est quand même des choses importantes à déterminer avant de se lancer. Donc ça ne peut pas être évidemment en 3 ans que les études, que toutes les données soient disponibles. On a des données intéressantes chez les brûlés, par exemple. On va en reparler de cette cohorte. Voilà. Bon, il y a plusieurs. On a des données, mais il faut du temps pour faire la recherche médicale. Jean-Luc Ménardi, sur cette question, on lit que les phages, finalement, c'est pas très rentable, que la recherche sur l'antibiorésistance, en règle générale, n'est pas extrêmement rentable pour les laboratoires pharmaceutiques qui n'investissent pas beaucoup, d'où l'explication notamment d'un plan d'investissement très important des Nations Unies, d'un plan d'investissement français qu'on vient d'entendre, de recours d'argent public, parce que la recherche privée est un peu, traîne un peu des pieds dans ce domaine. Est-ce que c'est une réalité ? C'est une réalité, je dirais, hélas, c'est une réalité. On a eu une, entre guillemets, une belle période entre les années 60 et les années 80 où il y a eu beaucoup de recherches à la fois académiques et dans le privé sur des antibiotiques. On avait à notre disposition beaucoup, beaucoup d'antibiotiques. Et à partir des années 80, il y a eu un certain nombre de laboratoires qui ne font plus de recherche sur ce domaine. Si bien qu'on s'est retrouvé avec très peu de laboratoires qui investissaient dans de la recherche. Alors les choses sont, à mon sens, en train de bouger un petit peu. Pourquoi ça bouge? C'est parce que on est confronté à des nouveaux mécanismes de résistance, l'apparition de nouvelles résistances, si bien qu'il y a certains antibiotiques qu'on utilise à l'hôpital de dernier recours pour les patients, pour lesquels on a des bactéries qui sont devenues, on dit, totorésistantes, ce qui laisse très peu d'alternatives. Donc là, on sent un petit frémissement sur de nouveau des antibiotiques qui seraient disponibles et qui sont disponibles en thérapeutique. C'est-à-dire sur de la recherche sur de nouveaux antibiotiques et pas sur des pistes thérapeutiques alternatives. Alors, il y a les deux pistes. De toute façon, je pense que ce combat contre la résistance, il faut le mener de front. Alors, je ne sais pas si on reviendra sur ce concept de One World, One Health, qui veut dire monde, une santé. C'est-à-dire qu'il faut considérer le problème de la résistance aux antibiotiques à la fois chez l'homme, chez l'animal et dans l'environnement. Justement, peut-être un mot, France Roblot, à ce propos, One World, One Health, donc un monde, une santé. C'est vrai que ce problème de l'antibiorésistance, c'est un problème qui est aussi un problème de l'ère de la mondialisation. On voit bien plusieurs organismes de santé internationaux qui alertent contre les voyages, contre les retours, contre les infections qu'on peut attraper dans un certain nombre de pays et qui deviennent aujourd'hui un problème global et qui ne peut pas du tout être traité à l'échelle d'un seul pays. Mais bien sûr, non seulement ça ne peut pas être traité à l'échelle d'un seul pays, et ça ne peut pas être traité à l'échelle uniquement de la santé humaine. Effectivement, il faut prendre ça au niveau de toute la santé, je dirais, environnementale, agroalimentaire, animale, humaine. C'est un problème très très global et qu'il faut prendre en charge dans son ensemble. Cela étant, je ne pense pas qu'on mette une alerte contre les voyages. Mais il est vrai qu'il y a certaines régions dans lesquelles on a beaucoup plus de risques de rencontrer des bactéries multirésistantes, et à tel point qu'on prend certaines précautions quand des patients sont hospitalisés alors qu'ils ont voyagé dans certaines zones, qu'ils ont voyagé à l'étranger. En général, quel type de zone? Alors on va dire en Inde, dans les pays d'Asie du Sud-Est, mais également dans des pays du pourtour méditerranéen, eh bien on prend des précautions pour tous. Hein, et on essaye de dépister ces bactéries multirésistantes dès lors qu'ils franchissent la porte d'un hôpital en France. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc de la recherche en antibiorésistance. Nous en parlons avec Jean-Luc Ménardi qui est avec nous ici à Paris et France Roblot qui est avec nous en duplex depuis Poitiers. Alors comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas revenir sur tous les points que nous avions abordés dans l'émission d'il y a 2 ans et demi, mais tout de même, pour se rafraîchir un peu la mémoire, et si vous n'avez plus en tête, et vous auriez raison, cette émission d'il y a 2 ans et demi pour laquelle on vous a mis un lien tout de même sur le fil Twitter de l'émission. Qu'est-ce que c'est, Jean-Luc Ménardi, que l'antibiorésistance, en quelques mots, comment ça fonctionne en fait? Comment est-ce qu'une bactérie à un moment donné, finit par ne plus répondre au traitement antibiotique? Alors c'est une question difficile, pétillante je dirais, dans la mesure où on ne sait pas encore exactement comment ça marche. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a d'une manière naturelle des bactéries qui le sont, ce qu'on appelle la résistance naturelle. Et ça c'est quelque chose auquel les auditeurs doivent comprendre, c'est qu'il y a dans le monde bactérien des bactéries qui sont naturellement résistantes à des antibiotiques. C'est comme ça, et c'est porté par... des gènes qui sont situés sur le chromosome essentiellement bactérien. C'est statistique, hein. C'est comme il y a des gens dans la population humaine qui résistent à certaines maladies parce qu'ils ont une mutation génétique qui font que ça marche pas sur... Non, c'est plus que ça, c'est-à-dire que pourquoi il y a des gens qui sont bruns aux yeux bruns et des blonds aux yeux bleus, c'est de la génétique. Ensuite, à partir de là, comment une bactérie devient résistante alors qu'elle peut soit avoir une mutation dans ce gène chromosomique qui fait qu'elle va devenir résistante non seulement à ce à quoi elle était résistante, mais à d'autres antibiotiques. Et surtout, le phénomène le plus inquiétant, c'est la possibilité d'acquérir des gènes exogènes qui sont portés soit par des plasmides, des transposons, des intégrons, et qui peuvent apporter à la bactérie des gènes de résistance à plusieurs antibiotiques. Donc, elle est, de base, elle peut être résistante, je dis pas, on cite un exemple, aux pénicillines, et puis acquérir des résistances à d'autres antibiotiques, des macrolides, des fluoroquinolones. Et l'autre phénomène important, c'est que ce matériel génétique peut passer d'une espèce bactérienne à une espèce bactérienne, de bactérie à bactérie. Et ceci vous explique pourquoi on a une émergence mondiale de la résistance. France Roblot, justement, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont portés justement sur comment les bactéries de différentes espèces se transmettent des mécanismes de résistance. Peut-être un mot sur cette faculté d'échange de matériel génétique pour acquérir de la résistance et sur ce que l'on en sait aujourd'hui? Alors ce qu'on en sait, c'est que ça se fait très facilement et surtout il ne faut pas croire que les bactéries résistantes s'acquièrent uniquement en milieu hospitalier. Les bactéries, nous les hébergeons dans ce qu'on appelle notre microbiote, notre flore, aussi bien digestive que cutanée ou muqueuse, et elles vont échanger ce matériel, comme l'expliquait Jean-Luc Ménardi, au niveau de notre flore. Et ça c'est très important, parce que quand vous donnez des antibiotiques à un patient, l'antibiotique n'a pas de GPS, il va aller détruire toute la flore, il va en laisser persister quelques bactéries résistantes et qui peuvent échanger leur matériel avec les voisines. Je vais prendre un exemple, le pneumocoque dans les années 90, ce sont des streptocoques que les enfants hébergés au niveau du pharynx qui ont transmis des particularités qui ont permis au pneumocoque de devenir résistant. Et donc du coup, sur ces mécaniques, on a entendu plasmide ou transposon, c'est vraiment des petits brins d'ADN qui viennent, c'est des échanges d'informations en fait de bactérie à bactérie, Jean-Luc Ménardi. Vous avez complètement raison, ce sont des échanges d'informations génétiques, le transfert de gènes de bactérie à bactérie. Et en fait, ça peut conférer des mécanismes de résistance, parce qu'il y a différents types de mécanismes de résistance chez une bactérie. Il y a soit un mécanisme de résistance qui est lié à des modifications de la cible, voilà, donc l'antibiotique... Quand on donne une pénicilline, on sait exactement où ça va agir sur des enzymes qui interviennent dans la synthèse de la paroi des bactéries, et d'autres antibiotiques vont agir soit sur la réplication de l'ADN, sur la synthèse des protéines. Et en fait, les mécanismes de résistance possibles chez une bactérie, c'est des modifications de la cible, ce sont l'acquisition d'enzymes qui vont détruire l'antibiotique, et si je reprends toujours l'exemple des pénicillines qui est la classe d'antibiotiques la plus prescrite, on a des enzymes qu'on appelle des bêta-lactamases qui vont venir détruire les bêta-lactamines. Le troisième mécanisme de résistance, c'est lié à des phénomènes d'imperméabilité, liés au fait que l'antibiotique ne peut pas rentrer à l'intérieur de la bactérie, ne peut pas aller agir sur sa cible, qui est souvent dans le cytoplasme des bactéries. Et puis le quatrième mécanisme de résistance, c'est ce qu'on appelle un mécanisme d'efflux, c'est-à-dire que l'antibiotique rentre, mais la bactérie a ce qu'on appelle des pompes d'efflux qui fait sortir l'antibiotique dans le milieu extérieur. Et la problématique de la multirésistance, c'est que vous pouvez avoir au sein même d'une espèce bactérienne l'accumulation de ces quatre mécanismes de résistance. Et vous comprenez que ça confère des résistances multiples à des familles d'antibiotiques qui sont excessivement différentes et qui agissent sur des cibles différentes. Et ce qu'on comprend surtout, c'est que ce sont finalement des mécanismes d'évolution accélérés, puisque quand l'environnement est saturé d'antibiotiques, eh bien, il y a une pression de sélection très forte sur les bactéries qui font qu'évidemment, celles qui résistent sont celles qui se sont adaptées et qui d'un seul coup peuvent proliférer, puisqu'elles échappent du coup à cette pression de sélection, France Roblot. Exactement, c'est exactement ça. Et ces bactéries, donc, elles sont présentes à la fois dans l'environnement et dans la flore que nous hébergeons. Elles sont partout, ces bactéries, de plus en plus résistantes. Et plus on utilise des antibiotiques, et plus on va les rencontrer. Or, malheureusement, les antibiotiques ils ne sont pas utilisés qu'en santé humaine. C'est même la toute petite partie des prescriptions. Les rapports sont considérables. On utilise des tonnes d'antibiotiques en agroalimentaire et dans l'environnement. La question aujourd'hui qui se pose, celle que vous soulevez, France Roblot, c'est de savoir aujourd'hui ces mécanismes d'antibiorésistance. Une étude récente indique que propose en tout cas un modèle d'acquisition de l'antibiorésistance dans le microbiote, c'est-à-dire finalement de savoir si ces bactéries deviennent résistantes à l'intérieur de nous-mêmes, ce qui serait normal puisque nous avons, on peut le rappeler, plus de bactéries à l'intérieur de nous que de cellules, que ce sont des bactéries commensales qui sont elles-mêmes naturellement résistantes parce que il faut bien qu'elles restent là pour faire leur rôle et pour nous aider eh bien, à digérer, à synthétiser les aliments, etc. Que penser justement de cette idée que le transfert se fasse directement finalement à l'intérieur de notre microbiote, France Roblot? C'est un des aspects. Je vous ai donné l'exemple pour le pneumocoque qui a reçu des gènes, des streptocoques de la gorge chez l'enfant, mais dans le microbiote, c'est évidemment là que beaucoup de choses se passent. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans l'environnement, bien sûr. Hein. Mais c'est là que beaucoup de choses se passent. Notre flore commensale, on en a besoin. Elle est là, c'est une flore de barrière. Et quand on prescrit des antibiotiques, on va faire émerger des bactéries qui sont résistantes à cet antibiotique. On le fait une fois, deux fois, ben elles ne vont pas être forcément prédominantes, mais petit à petit, ce sont elles qui vont se multiplier. Et à force, ce sont elles qui vont finir par provoquer des infections dû à des bactéries résistantes. Jean-Luc Ménardi, sur ce modèle d'acquisition de l'antibiorésistance dans le microbiote. Oui, comme l'a dit France Roblot tout à l'heure, quand on donne un antibiotique, par exemple, pour traiter une angine, et bien l'antibiotique ne va pas aller se localiser simplement au niveau des amygdales. L'antibiotique il va diffuser partout, il va être ensuite éliminé. En particulier, il y a des formes d'élimination dans le tube digestif. Et la partie d'antibiotique qui va arriver dans le tube digestif, eh bien, va sélectionner des bactéries dans notre microbiote intestinal qui va les rendre résistantes. Donc en fait, avec un antibiotique, vous allez éradiquer toutes les bactéries qui sont sensibles dans le tube digestif et faire émerger quoi ? Ben, celles qui sont résistantes à l'antibiotique. Mmh. C'est pour ça que certains patients sont colonisés avec des souches bactériennes qui sont résistantes à plusieurs antibiotiques. Puis le deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est effectivement la notion de voyage. Encore une fois, il faut être assez aussi rassurant. C'est vrai qu'on a des risques de se contaminer par voie alimentaire quand on va dans certains pays. Et donc forcément, qui dit alimentaire dit présence de ces bactéries dans le microbiote intestinal, par exemple, et où on trouve les bactéries eh bien, dans le tube digestif qui vont pouvoir s'échanger du matériel génétique. Donc, il y a à la fois une pression de sélection qui peut engendrer des bactéries résistantes, et puis le passage d'éléments dont on a parlé tout à l'heure, les plasmides, les transposons, qui peuvent se faire directement dans le tube digestif. Par ailleurs, il y a d'autres recherches qui sont effectuées sur l'acquisition de cette antibiorésistance en extérieur, puisqu'on l'a dit, hein, on a mis beaucoup d'antibiotiques partout, beaucoup d'antibiotiques vétérinaires chez les animaux d'élevage, et que tout ça se retrouve évidemment dans les bouts d'épuration, qui sont aussi des bouts d'épandage, que ce sont des molécules à vie longue. Et du coup, aujourd'hui, on a retrouvé une étude toute récente qui a été publiée fin janvier dans la revue Environmental International, qui indique avoir trouvé des gènes d'antibiorésistance aux Svalbard, c'est-à-dire finalement quasiment au pôle Nord, à 300 km du pôle Nord, au nord de la Norvège. Aujourd'hui, France Roblot, ça vous inspire quoi cette étude ? Ah, je crois que ça inspire que les bactéries voyagent avec nous. Et voyagent, voilà, il n'y a pas de limite pour la résistance bactérienne. Je crois que vraiment, il faut bien se rendre compte que nous hébergeons des bactéries et que tant que la population humaine et animale se déplace, on va retrouver des bactéries partout, résistantes partout. Jean-Luc Ménardi. On fait vraiment des échanges, voilà. Il s'avère que je suis allé au Svalbard cet été. Et, c'est vous qui avez amené ces bactéries. Et qu'en fait, d'abord, il faut savoir que, c'est, que le Svalbard, il y a un monde, il y a, il y a plein d'animaux, il y a aussi des humains, il y a des chercheurs, il y a une station de recherche. Et donc, forcément, comme disait France, à partir du moment où les animaux ça bouge, il y a des voyages, forcément, c'est pas anormal de retrouver des bactéries résistantes, y compris dans des zones un peu dépeuplées. Que pensez aujourd'hui de vous avez dit hein, de ces de l'augmentation de ces entérobactéries, donc des bactéries qu'on trouve dans la flore intestinale, qui sont productrices de plus en plus de bêta-lactamase à spectre étendu. Ça veut dire que aujourd'hui l'ennemi, ce qu'il faut éviter aujourd'hui en termes de prescription, ce sont ces antibiotiques à très large spectre, parce que ça produit ces entérobactéries qui sont, on appelle, totorésistantes. Jean-Luc Ménardi. Alors ces bactéries, les fameuses BLSE dans le jargon, ce sont des bactéries effectivement qui sont résistantes à des antibiotiques comme les céphalosporines qu'on utilise à la fois dans le monde hospitalier et dans le monde communautaire. Alors la chose importante, et ça a été souligné par France Rebleu tout à l'heure, c'est que ces bactéries de type BLSE sont présentes à la fois à l'hôpital mais aussi beaucoup en ville. En particulier, sont responsables d'infections urinaires relativement banales chez les femmes qu'on appelle des cystites. Et donc c'est vraiment un problème à la fois communautaire et à la fois hospitalier. Le risque, effectivement, c'est de passer à des bactéries totorésistantes. Effectivement, et ça, c'est favorisé par des antibiothérapies à large spectre. Et il faut bien comprendre, si on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que souvent, ces bactéries, elles ne sont pas simplement résistantes. Alors, BLSE pour bêta-lactamine, elles ne sont pas simplement résistantes à une grande majorité des bêta-lactamines, mais elles sont également résistantes à des fluoroquinolones, elles sont résistantes à des aminosides, parce qu'elles portent ces fameux plasmides qui confèrent la résistance. Et ceci peut aboutir à des bactéries totorésistantes. Et moi, ce qui me marque le plus dans l'évolution de la résistance depuis 2 ans, c'est l'apparition de souches d'entérobactéries qui sont certes BLSE, mais qui en plus produisent une carbapénémase. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire, les carbapénèmes, c'est une classe de bêta-lactamine qui sont en gros de dernier ressort, en particulier à l'hôpital, pour traiter les infections à entérobactéries de type BLSE. Et ils sont apparus maintenant depuis quelques années, ces fameuses entérobactéries qui produisent une enzyme qui détruit les carbapénèmes. Donc là, qui détruit les antibiotiques de dernier recours. Exactement. Après, il n'y a plus rien. Exactement. Exactement. Et c'est un phénomène qui est mondial, qui a été décrit aux États-Unis, qui a été décrit en Inde, qui a été décrit en Europe, en Chine, etc. Et pour moi, le défi des années qui viennent, c'est la lutte contre ces carbapénémases. C'est vraiment la lutte contre ces carbapénémases parce que vous vous rendez compte que très souvent, il nous reste très très peu d'antibiotiques, voire pas d'antibiotiques. France Roblot. Oui, alors effectivement, c'est un problème qu'on voit émerger qui n'est pas encore prédominant en France, hein, mais ça ne veut pas dire, vu ce qu'on a dit précédemment, que les bactéries voyagent, ça arrivera, ça va. Il faut être très vigilant parce que ça va se développer. Et moi, j'ai envie de vous dire que une préoccupation aussi, ça doit être la cystite qu'on ne pourra plus traiter en ville parce qu'elle sera due à un colibacille tout simple, tout bête, mais qui sera résistant à des antibiotiques disponibles en ville, et on va être obligé d'envoyer certaines patientes, et c'est déjà le cas, à l'hôpital pour traiter une cystite. Enfin, ça me paraît vraiment quelque chose de consternant. Évidemment, on va pas mourir d'une cystite, mais si on est obligé d'être hospitalisé pour traiter une cystite, c'est une catastrophe. Donc il y a, si vous voulez, les deux aspects. Je crois qu'il faut être très très vigilant et s'inquiéter pour les carbapénémases qui représentent un peu l'extrême. Mmh. Mais même dans la pathologie quotidienne pour les médecins généralistes, il faut être très vigilant vis-à-vis de ces bactéries porteuses de BLSE, comme l'a expliqué Jean-Luc Ménardi, qui certes peuvent encore être sensibles à des molécules d'un peu plus large spectre, mais qu'on ne pourra plus traiter en ville, c'est quand même pas possible. Alors pour comprendre aujourd'hui hein, comment on travaille sur ces mécanismes de résistance et comment on les identifie, Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au laboratoire de bactériologie de l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris. Oui, je suis allée voir Étienne Ruppé, bactériologiste. Il a participé lui à une étude publiée en novembre dernier qui a révélé l'existence de 6000 gènes de résistance aux antibiotiques dans le microbiote intestinal. Alors au quotidien, dans son laboratoire, il coordonne l'analyse d'échantillons infectieux des malades, un circuit rapide sur 48 heures qui permet d'isoler les bactéries pathogènes, de les identifier, de les cultiver et surtout de tester leur résistance aux antibiotiques. Et grâce à ces tests, il peut ensuite fournir aux médecins les indications nécessaires pour adapter le traitement aux patients. « reçoit ici tous les prélèvements de l'hôpital et tous les prélèvements pour lesquels on a des suspicions d'infection bactérienne. En particulier le microbiote, ou ça peut être tout type de tissu? On reçoit tous les types de prélèvements, des prélèvements respiratoires, des urines, des prélèvements chirurgicaux. Et tout arrive ici, à la réception. Bonjour. Donc tout arrive soit par pneumatique, soit directement en main propre. Et chaque prélèvement est accompagné d'une feuille de demande, de bactériologie et du prélèvement. Donc juste pour se repositionner dans le circuit, ici on réceptionne les échantillons. C'est ça. Et là, on va les trier, on va les inventer. On les enregistre, dans notre informatique. Et ensuite, les prélèvements sont envoyés dans les laboratoires pour analyse. Et tout se fait sur 3 temps. On a vraiment le temps aujourd'hui, le J0. Et ensuite, on va avoir le J1 qui est la culture, le résultat de la culture. Et ensuite, le J2, l'antibiogramme. Savoir à quels antibiotiques sont sensibles les bactéries qu'on peut avoir trouvées. C'est parti pour le J0. Donc le J0, c'est... La principale chose qu'on va faire tout de suite, c'est l'examen direct. On va regarder au microscope, déjà, on va étaler un petit peu de prélèvement sur une lame. On va faire une coloration. En bactériologie, on est assez monomaniaque, on n'a qu'une coloration, c'est la coloration de Gram. Et on va regarder si on voit des bactéries à l'examen direct en regardant au microscope. Ça nous donne déjà une idée de ce qui est présent, puisqu'on va pouvoir faire la différence entre des bactéries qui sont Gram positifs et des bactéries Gram négatifs. Donc voilà, donc les prélèvements sont acheminés ici. Donc on a les microscopes dans lesquels on va regarder s'il y a des bactéries à l'examen direct. Et on a des automates qui peuvent nous aider aussi pour regarder, en plus des bactéries, les cellules qui sont présentes. Les cellules, globalement, les globules blancs, les globules rouges. On a une machine spécifique aussi pour les urines, parce qu'on soit un grand nombre d'urines par jour, entre 100 et 200. Et donc on a une machine qui regarde directement les cellules pour aller plus vite. Donc les colorations de Gram s'effectuent par un colorateur. Voilà, pour aller plus vite. Une fois que l'examen direct est fait, en parallèle, on va ensemencer le prélèvement sur différents types de milieux. Ça, c'est le milieu vraiment de culture. Voilà, c'est une espèce de confiture gélosée dans laquelle on va mettre différents additifs. Donc il y a des géloses très simples et des géloses plus compliquées pour essayer de faire pousser les germes qui ont des exigences un peu particulières. Vous avez des géloses, par exemple, ici, dans lesquelles on a du sang frais. Il y a des géloses au sang cuit qui sont très riches, qui vont faire pousser la plupart des bactéries. Voilà, on a aussi des milieux liquides. On va faire pousser des bactéries qui auraient un peu de mal à pousser sur les milieux solides, mais ça peut les aider, puis on peut le garder plus longtemps. Donc on les laisse pousser, et puis le lendemain, les techniciens arrivent le matin, trient leurs boîtes, et regardent les boîtes pour lesquelles on a des cultures positives. Et donc, ils vont trier, ils vont mettre de côté les boîtes avec des colonies bactériennes, et on va regarder ensemble si ces bactéries correspondent à des pathogènes. Ça arrive strictement 24 heures après ou ça peut prendre plus de temps? La plupart des bactéries pathogènes poussent très bien en 24 heures. Donc là, on peut regarder par exemple des boîtes, par exemple d'aujourd'hui ici. Vous voyez, là, on voit des bactéries qui ont poussé. Ça, ce sont des streptocoques, par exemple. Ça, c'est un antibiogramme. Vous voyez, ce sont des milieux chromogènes dans lesquels on a des couleurs différentes en fonction des bactéries, ce qui peut nous aider à les identifier. Ça, c'est des cultures d'urine. Vous voyez, des petites bactéries comme ça. À ce stade, on peut aussi les quantifier? Oui, il y a certains prélèvements où on les quantifie de manière précise, notamment les prélèvements respiratoires, où on va rendre une concentration. Donc une fois qu'on a vu ces bactéries sur les boîtes, on veut les identifier. Et donc on les identifie par un spectromètre de masse. Je vais aller vous montrer. On va en soumettre un laser. Là, on a un grand tube dans lequel il y a du vide. La machine va tirer plusieurs dizaines de coups de laser sur la colonie qu'on a déposée. Bon, ça va détruire la bactérie, exposer ses protéines. Les protéines vont être détruites et volées, puisqu'il y a un gradient de charge dans le tube, donc les protéines vont voler. Selon le spectre, le capteur ici, eh bien on a une espèce de spectre de temps de vol, et chaque spectre correspond vraiment à une bactérie, c'est spécifique. Et donc en quelques minutes, on a l'identification de notre germe. Là, vous voyez par exemple, sur ces deux spots-là, eh bien c'est de l'Escherichia coli qui a été identifié. Et donc, quand on pense qu'une bactérie est potentiellement importante pour la clinique, peut être responsable de l'infection, eh bien, on va tester sa sensibilité pour les antibiotiques. Pour ça, on va ensemencer une gélose. On va appliquer, avec un applicateur de disque, les antibiotiques qu'on veut tester. On incube ça de la même façon pendant 24 heures. Et donc, le lendemain, on peut lire notre antibiogramme. Et donc, vous voyez ici, autour de chaque disque, on voit un diamètre d'inhibition. C'est en fonction de ce diamètre qu'on peut jauger la résistance de la bactérie. Exactement. Voilà, alors là, vous avez une salmonelle, par exemple, qui est complètement sensible à tous les antibiotiques qu'on a testés. Vous voyez, là, il y a plusieurs résistances. Ça, ces diamètres-là ne sont pas normaux. Celui-ci est très petit. Et ça, c'est ce qu'on appelle les bêta-lactamases à spectre élargi. Donc, c'est la grande pandémie de ces bêta-lactamases qui, finalement, nous a fait entrer dans l'ère dans laquelle on est, une ère qualifiées souvent de post-antibiotiques. Donc ces BLSE maintenant sont assez fréquentes et posent des problèmes parce qu'elles donnent des résistances à beaucoup d'antibiotiques qu'on utilise couramment. Alors là, vous avez finalement une approche assez semi-quantitative de la résistance. Quand vous voulez vraiment précisément mesurer la sensibilité d'une bactérie à l'antibiotique, vous pouvez faire ce qu'on appelle la mesure de la concentration minimale inhibitrice, la CMI. Et donc là, je vais montrer celle-ci par exemple. Vous avez une bandelette avec un gradient d'antibiotiques et vous avez donc un halo d'inhibition comme ça et vous allez lire la CMI à l'intersection entre la bandelette et la culture bactérienne. Donc là, vous allez mesurer à peu près 0,125 mg par litre, la concentration minimale inhibitrice, en l'occurrence du linezolide pour cette bactérie. Alors cette valeur-là, on a un référentiel français et européen, le comité de l'antibiogramme, et vous avez pour chaque bactérie les règles, à la fois les diamètres des disques et les valeurs critiques de CMI. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine concentration, eh bien on va considérer qu'on n'arrivera pas à atteindre chez le patient des concentrations suffisantes d'antibiotiques pour pouvoir traiter une infection causée par cette bactérie. A l'inverse, en dessous d'un certain seuil, quand nous on va rendre sensible la bactérie, eh bien on sait qu'avec les doses préconisées pour cet antibiotique, eh bien on arrivera à traiter une infection. Tout ça prend 48 heures, c'est-à-dire qu'au moment où on rend l'antibiogramme, il s'est écoulé 48 heures par rapport au prélèvement. Donc c'est-à-dire qu'on peut administrer un traitement plus adapté aux patients très rapidement. C'est-à-dire que pendant l'intervalle, le patient, s'il doit être traité, si la suspicion d'infection est suffisamment forte, il va recevoir des antibiotiques, mais avec un traitement qu'on appelle probabiliste. Alors à 24 heures, on aura l'identification de la bactérie qui pourra nous aider à affiner ce traitement, et à 48 heures seulement, on saura si le traitement qu'on avait administré était le bon. Ce qui effectivement pose problème, si on suspecte des bactéries résistantes, eh bien on est obligé de donner des antibiotiques des fois très forts, trop larges, pour ne pas se rater, quoi. Le problème, c'est que quand on utilise trop les antibiotiques trop larges, eh bien on favorise l'émergence de bactéries résistantes à ces antibiotiques. Voilà ce mécanisme d'identification des bactéries antibiorésistantes. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Jean-Luc Ménardi ? Oui, vous avez le travail au quotidien d'un laboratoire de bactériologie. La chose qu'on pourrait rajouter, c'est d'ailleurs ce qui est préconisé pour lutter contre la résistance afin d'utiliser des antibiotiques à spectre moins large, c'est la détection rapide de la résistance, parce que comme l'a dit le docteur Ruppé, il faut 24 à 48 heures pour avoir l'antibiogramme. Or maintenant, on dispose au sein des laboratoires essentiellement hospitaliers des techniques qui permettent de savoir... De bandelette. Alors, soit des techniques biochimiques, soit des techniques qui font appel à la biologie moléculaire pour savoir si oui ou non la bactérie produit ou pas un gène de résistance. François Blou. Oui, alors pour nous, c'est une aide considérable. Je dois dire qu'il y a eu vraiment des avancées très importantes dans le domaine de la microbiologie. Et on collabore de façon très étroite avec les microbiologistes quand on est clinicien, bien sûr. Nous, on fait le point tous les matins avec eux sur tous les flacons d'hémoculture qui poussent. Je crois que beaucoup d'hôpitaux font comme ça. Et par exemple, vous prenez l'exemple du staphylocoque. Si le microbiologiste nous dit, là, voilà, ça ressemble à du staphylocoque, mais il est capable de nous dire très très rapidement s'il va être résistant ou pas à la méticilline. Et pour nous, évidemment, c'est un gain considérable, et surtout pour le malade. Ça nous permet d'ajuster le traitement. Medicine woman, have pity on your man. Medicine woman, I know you understand. You know I've got a deep need that only you can feel. It don't come in no bottle, it don't come in no pill. Medicine woman, have pity on your man. Medicine woman, some woman. Medicine Woman de Robert Finlay sur France Culture à 16h35. Nous parlons de l'antibiorésistance tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Luc Ménardi, qui est professeur dans l'unité INSERM 1138, responsable du service de microbiologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, Université Paris Descartes, et en duplex depuis Poitiers avec France Roblot, professeur chef du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Poitiers, qui est également vice-présidente de la Société des pathologies infectieuses et présidente du Conseil national professionnel des infectiologues. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, à moitié d'émission, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Voilà, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Marion Opatowski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'école doctorale de santé publique, unité mixte INSERM, Institut Pasteur, unité Versailles-Saint-Quentin. Vous travaillez dans la résistance bactérienne aux antibiotiques et sur les apports du système national de données de santé. Bienvenue donc à la recherche montre en main, c'est à vous. Merci. On vous écoute. Alors, beaucoup d'études épidémiologiques s'intéressent à la résistance bactérienne, mais elles se basent sur des données classiques de surveillance ou des enquêtes ponctuelles qui mettent l'accent sur certaines infections et sur certains germes et n'étudient qu'une petite partie de la population. Depuis 2016, il existe une base de données très intéressante car elle est riche en informations. C'est le Système National des Données de Santé qu'on appelle le SNDS. Le SNDS, qu'est-ce que c'est ? C'est un système qui est géré par l'assurance maladie, qui regroupe les principales bases de données publiques françaises. C'est l'une des bases de données de santé les plus volumineuses au monde et elle couvre l'ensemble de notre population. On y retrouve toutes les dépenses de soins des Français, à l'hôpital ou en ville, à une condition, qu'elles soient remboursées ou prises en charge par la Sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on appelle les dépenses de soins ? Ce sont les hospitalisations, les achats de médicaments, les consultations chez le médecin ou chez le kiné par exemple. Bien sûr, toutes ces données sont anonymisées, mais il est possible de suivre un individu dans le temps ou de voir ses dépenses passer. Comme vous l'imaginez, l'accès à ces données est soumis à des règles et à des autorisations, en particulier celle de la CNIL, qui est l'autorité chargée de protéger les données personnelles. On obtient ces autorisations en déposant un projet de recherche dont le sujet doit être d'utilité publique. Ma thèse, elle porte sur l'étude de la résistance aux antibiotiques autour de trois questions. Où en est l'antibiorésistance hospitalière en France ? Qu'est-ce qui peut augmenter le risque d'antibiorésistance ? Et quelles sont les conséquences de la résistance pour le patient ? Le premier objectif est donc de faire un état des lieux de la résistance à l'hôpital en France. Combien d'infections sont liées à une bactérie résistante dans nos hôpitaux et quel type de bactéries et d'antibiotiques sont concernés? Pour ça, il faut d'abord, à l'aide d'un algorithme, sélectionner toutes les hospitalisations où un patient a été diagnostiqué avec une infection. Alors, on peut ensuite analyser ces hospitalisations en détail. Ce type d'analyse permet d'aider les pouvoirs publics à prendre des décisions. Le deuxième objectif et de rechercher les facteurs qui vont augmenter le risque d'avoir une infection à bactéries résistantes. Ça peut être la prise d'antibiotiques ou une hospitalisation dans les mois précédents, ou encore certaines maladies ou certains comportements. Rechercher ces facteurs de risque va permettre de mieux comprendre la résistance bactérienne et de détecter les patients qui ont un risque plus important d'avoir ce type d'infection pour mieux les prévenir. Enfin, le dernier objectif est d'étudier les conséquences d'une infection à bactéries résistantes. Est-ce qu'elle entraîne des hospitalisations plus longues ? Est-ce qu'elle entraîne plus de soins, plus de consommation de médicaments, plus de réhospitalisation ? Et comment on évalue les facteurs de risque et les conséquences ? Encore une fois, à l'aide d'un algorithme, on va sélectionner toutes les hospitalisations avec une infection à bactéries résistantes. Grâce aux données qui sont recueillies dans le SNDS, il est possible de connaître les caractéristiques et les soins qui sont reçus par le patient avant et après l'infection. Visite chez le médecin, achat d'antibiotiques, est-ce que le patient a une maladie chronique, est-ce qu'il consomme des médicaments spécifiques. À l'aide d'analyses statistiques, nous comparons les patients qui ont eu une infection à bactéries résistantes à ceux qui ont eu la même infection mais avec une bactérie non résistante. Et alors on peut mettre en évidence les facteurs qui apparaissent plus souvent chez les patients avec une infection résistante. Que ce soit avant l'infection, ce sont alors les facteurs de risque, ou après, ce sont les conséquences. Les résultats de mes travaux permettront d'avancer la connaissance de la recherche de la résistance aux antibiotiques en France. Ce sont les premières études qui s'intéressent à l'antibiorésistance en se basant sur ces données-là, qui sont des données qui sont sur toute la population et qui sont recueillies en vie réelle, c'est-à-dire en dehors du cadre d'une étude. Cette base, elle est peu coûteuse et les méthodes qu'on utilise ici pour sélectionner les données, elles pourraient être utilisées par d'autres, dans d'autres contextes, comme celui de la surveillance par exemple. Merci beaucoup Marion Opatowski. France Roblot, désolé tout à l'heure, la musique vous a un peu mordu sur la fin de votre réponse. Vous évoquiez tout à l'heure l'importance des apports de la biologie cellulaire et moléculaire dans vos travaux cliniciens. On entend là aujourd'hui maintenant l'importance peut-être aussi des recherches en épidémiologie. Alors ça, c'est une base de données qui est une mine d'informations. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de participer à des jurys où des étudiants avaient effectivement utilisé cette base de données. Maintenant, il faut, même si cette jeune chercheuse nous présente ça comme quelque chose de presque simple à l'entendre, il faut savoir quand même que pour manipuler cette base, pour pouvoir en extraire des données, il faut des compétences en épidémiologie, en statistique, que n'importe qui ne peut pas l'utiliser. Mais c'est vrai que ça va nous apporter des informations extrêmement intéressantes. Jean-Luc Mélardy. Ces bases de données sont fort intéressantes pour comprendre un peu ce qui se passe en termes d'antibiorésistance. Je pense qu'il faut insister aussi sur ce genre de bases de données en pathologie communautaire, en ville. Parce qu'il faut quand même qu'on garde à l'esprit que le gros volume d'antibiothérapie, c'est la ville. C'est plus important que l'hôpital. Donc je crois que c'est tout à fait fondamental d'avoir ce genre d'informations aussi pour la ville. Mais pour l'antibiothérapie, c'est évidemment la ville. Pour l'antibiorésistance, c'est vrai qu'on pense souvent que ça se passe en milieu hospitalier. Aujourd'hui, on a justement des données chiffrées qui peuvent dire quelles sont les sources d'antibiorésistance à la ville par rapport à celle de l'hôpital pour pouvoir comparer les deux. Oui, on commence à avoir ce genre de données. En particulier, on a parlé tout à l'heure de la cystite. On sait exactement en ville que le pourcentage de Escherichia coli, qui est l'agent numéro un des cystites, ses profils de résistance, en particulier aux antibiothérapies de première intention. On a des données en ville. On peut penser à Escherichia coli, on pense au pneumocoque. Donc, on a vraiment des données. J'aimerais dans cette deuxième partie qu'on parle maintenant un peu des nouvelles stratégies thérapeutiques. Peut-être revenir un peu, France Roblot, sur la phagothérapie, qui n'est pas du tout dans une impasse, loin s'en faut. Vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, ce sont des stratégies et des essais qui se passent sur plusieurs années. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense encore, ou on tient encore la phagothérapie comme la principale piste thérapeutique de sortie, de lutte contre l'antibiorésistance et contre la multi- ou la toto-résistance qu'on évoquait tout à l'heure? Alors, je ne sais pas si c'est la principale alternative, parce qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, c'est une piste qui est bien sûr étudiée. Il y a des protocoles qui se mettent en place, notamment dans les infections ostéo-articulaires. Donc, on a dit qu'il y avait des protocoles chez les brûlés, chez les enfants atteints de mucoviscidose. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et on s'intéresse de très près à l'intérêt de la phagothérapie. Maintenant, il y a d'autres pistes qui sont envisagées. Peut-être vous voudrez qu'on en parle. On va y revenir, bien sûr, pour la suite. Peut-être pour rester, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, justement, qu'on parlait d'épidémiologie. Là, il y a un premier essai clinique, PhagoBurn, qui a été effectué sur les grands brûlés. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Alors, PhagoBurn, c'était une évaluation de l'intérêt de phages pour lutter contre les infections, en particulier à Pseudomonas chez les brûlés. Et à ma connaissance, les premiers résultats, en tout cas quand j'avais participé à une évaluation avec la NSM, les premiers résultats étaient assez encourageants. Et j'avoue que là, je ne sais pas pourquoi, maintenant, on n'a pas des résultats plus définitifs avec plus de patients. J'ai cru comprendre que voilà, il y avait des choses qui étaient peut-être un petit peu à revoir, mais j'avoue que je ne connais pas maintenant la suite de PhagoBurn. En tout cas, c'était des résultats extrêmement intéressants chez les grands brûlés qui sont dans des situations catastrophiques. Quels sont les problèmes aujourd'hui ou les points d'interrogation qui restent dans les phagothérapies qui empêchent aujourd'hui, ou en tout cas qui pour le moment doivent encore amener à plus de travaux, de recherches pour pouvoir lever justement ces derniers doutes, Jean-Luc Mélardy? Les problèmes, on les a soulevés en première partie, c'est que c'est pas classique comme abord, alors qu'un antibiotique, on a toute une méthodologie pour dire oui ou non c'est efficace. Avec la phagothérapie, on n'en est pas là. Les phages, on peut rappeler que ce sont des bactériophages, ce sont des petits virus qui lisent. Qui vont liser les bactéries. Oui, qui vont les détruire. On s'oriente de plus en plus maintenant, non pas sur un type de phage, mais un cocktail de phages. Et puis, la troisième chose, c'est qu'effectivement, l'essai chez les brûlés, moi j'avais assisté au rendu du résultat il y a 2 ans au Congrès européen, et c'était encore préliminaire, mais bon, voilà, il n'y avait pas encore de résultat très définitif. Et puis la quatrième chose, c'est que comme c'est comme tout, il y a des bactéries qui deviennent résistantes aux phages. Voilà. Donc d'où l'idée d'utiliser un cocktail de phages, comme parfois on utilise deux antibiotiques pour lutter contre la résistance ou l'apparition de la résistance, on va dire. Ça veut dire qu'on se retrouverait, France Roblot, face à la même problématique qui est celle des antibiotiques à large spectre, c'est-à-dire que plus on prend un cocktail de phages large, plus on risque de toucher un grand nombre de bactéries, donc de provoquer de la résistance et finalement de retomber un peu dans les mêmes travers. C'est possible. En tout cas, il ne faut pas perdre de vue que la bactérie, c'est un organisme vivant. Donc, vous la soumettez à une arme, quelle qu'elle soit, elle va essayer de se défendre contre cette arme, quel que soit le mécanisme qu'on utilise, quel que soit le produit qu'on utilise. Quelles sont les autres pistes thérapeutiques récentes, France Roblot, que vous vouliez évoquer tout à l'heure, qui vous paraissent intéressantes aujourd'hui dans cette lutte contre l'antibiorésistance ? Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Il y a des vaccins qui sont en cours, dont certains sont assez avancés, d'autres moins. Des vaccins qui s'adressent à certaines bactéries productrices de toxines, et en particulier vis-à-vis de certaines souches de staphylocoque ou vis-à-vis de Clostridium difficile. On a également la transplantation fécale qui a été utilisée initialement chez les patients atteints d'infections récidivantes à Clostridium difficile et pour laquelle maintenant on réfléchit à l'utiliser chez des patients qui ont des infections qui sont colonisées par des BLSE et qui font des infections itératives à BLSE. Donc ça, c'est aussi une piste extrêmement intéressante. On a des anticorps monoclonaux, antibactériens, qui sont en cours de développement. Et puis, on s'intéresse beaucoup aussi aux probiotiques. C'est-à-dire ? Et puis enfin, alors, l'idée, c'est que notre flore de commensal, notre microbiote, c'est notre protection, c'est ce qui sert de barrière vis-à-vis des bactéries pathogènes. Et donc, on sait que quand on prescrit des antibiotiques, comme on l'a dit, on sélectionne les bactéries résistantes. Et là, l'idée, c'est d'apporter des probiotiques pour permettre de restaurer la flore de barrière, en même temps qu'on prescrit des antibiotiques. On peut peut-être s'attarder un peu sur ces différentes pistes thérapeutiques, notamment Jean-Luc Ménardi, sur la question d'un vaccin. Comment est-ce qu'on peut se faire vacciner contre une bactérie ? Comment ça fonctionne ? Alors, il y a des vaccins qui existent déjà contre des bactéries qu'on connaît depuis très longtemps, la diphtérie, etc. etc. Pour le staphylocoque dont a parlé France Roblot, il y a eu des essais déjà de vaccins anti-staphylococciques et pour l'instant, ça n'a pas marché. Il y a eu même des essais qui ont été interrompus parce qu'ils n'ont pas montré du tout leur efficacité. Donc le vaccin, ça reste une piste tout à fait intéressante. Ça marche remarquablement aussi en ce qui concerne le pneumocoque, parce que là, on parle d'antibiorésistance, mais il y a eu quand même des bonnes nouvelles sur le front de l'antibiorésistance, la diminution du sable doré résistant à la méticilline au sein de nos hôpitaux grâce au bon usage et surtout à l'hygiène. Et qui produisait des infections nosocomiales beaucoup. Exactement. Et puis le pneumocoque, on a eu des souches de pneumocoque qui sont devenues très résistantes et grâce au bon usage et au vaccin anti-pneumocoxique, chez pneumocoque, la résistance aux bêta-lactamines en particulier est en diminution. Donc les vaccins contre les bactéries, il faut continuer à travailler. Mais pour l'instant, certaines espèces bactériennes, pour l'instant, on n'a pas de vaccin. Ça, c'est pour les vaccins. On a aussi beaucoup et souvent parlé ici des anticorps monoclonaux. Comment est-ce que les anticorps monoclonaux peuvent-ils être d'une aide particulière dans le cas de souches bactériennes multi- ou totorésistantes ? Enfin, les anticorps monoclonaux, ils ne sont pas là pour détruire la bactérie. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Les antibiotiques, ça va détruire les bactéries. Ça va les inhiber leur croissance, voire les tuer. Les anticorps monoclonaux, ça va agir sur les produits qui sont synthétisés par les bactéries, ce qu'on appelle les toxines. Et donc, c'est pour contrecarrer l'effet délétère de certaines toxines produites par les bactéries qui sont responsables, en particulier, de formes sévères de patients de réanimation. C'est-à-dire qu'en fait, ça les rend quasiment inertes, c'est-à-dire que ça tue, ça empêche... Ça lutte contre la virulence des bactéries. Ça, c'est... on parle aussi récemment, j'ai vu de bactéries contre les bactéries, une souche d'Escherichia coli qui a été trouvée en Irlande du Nord, capable d'inhiber la croissance de 4 souches de bactéries résistantes qui a été publiée le 16 octobre dernier dans Frontiers in Microbiology. Est-ce que ça vous dit quelque chose, France Roblot ? Alors là, je pense que Jean-Luc Ménardi va être beaucoup mieux placé que moi pour en parler, mais je pense que c'est par l'intermédiaire des peptides bactériens. L'intermédiaire des peptides bactériens, voilà, je pense que c'est ça. Voilà. En fait, les peptides bactériens, ce sont des petites protéines qui sont synthétisées par certaines espèces bactériennes et qui ont la capacité de détruire d'autres bactéries. Donc là aussi, c'est un champ de recherche sur les peptides antibactériens qui n'est absolument pas nouveau, puisque ça fait 10-15 ans que cette notion de peptide antibactérien a été publiée, voire plus. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de conséquences thérapeutiques. Et là aussi, comme le disait France Roblot, il faut bien vous imaginer que ce n'est pas un remède universel, parce que les bactéries, à mon avis, pourraient devenir également résistantes aux peptides antibactériens, donc développer des mécanismes de résistance contre ces peptides. En fait, ce qu'on comprend dans ce que vous dites l'un et l'autre, c'est que de toute façon, quelles que soient les stratégies thérapeutiques que l'on développe et qui permettent de contourner ces problèmes d'antibiorésistance, on est de facto toujours, on va se retrouver toujours confronté, France Reblot, à ce problème à un moment donné de défense, de sélection génétique, de transfert de matériel ADN d'une bactérie à l'autre, donc de toute façon à des résistances à toute forme de traitement. C'est un problème sans fin ? C'est Sisyphe ? C'est un problème sous contrainte, je dirais. La résistance des bactéries, c'est quelque chose qui est apparu sous contrainte. C'est-à-dire que chaque fois qu'on les a exposées à des médicaments, très très rapidement, on les a vues devenir résistantes. Ça, je crois que c'est inévitable. Comme je vous le disais, ce sont des organismes vivants qui s'adaptent. Les antibiotiques, ce sont les seuls médicaments qui s'adressent à des organismes vivants. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on s'inquiète tellement et qu'on demande quasiment qu'ils aient un statut particulier, les antibiotiques et les médicaments antibactériens de façon générale. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que les bactéries deviennent résistantes, il faut vraiment prendre le problème bien en amont pour essayer de ne pas trop sélectionner de résistance. Donc tout ça finalement serait essentiellement un problème d'usage, c'est-à-dire que le problème c'est encore une fois les antibiotiques vétérinaires, c'est la surexposition aux antibiotiques, il faut avant tout peut-être, avant de chercher des pistes de contournement thérapeutique, modifier en profondeur l'usage des antibiotiques. On avance sur ce front-là, Jean-Luc Ménardi ? Je pense qu'il faut faire les deux. Il faut continuer à travailler sur des alternatives aux antibiotiques. Je pense qu'il faut continuer à travailler sur la mise en évidence de nouvelles cibles bactériennes qui seraient le prélude au développement de nouveaux antibiotiques. Ça, c'est tout à fait important de continuer la recherche fondamentale sur les antibiotiques. Et pour en revenir à votre question, le bon usage, pour nous, c'est une clé essentielle. C'est une clé essentielle, le bon usage des antibiotiques, à la fois en ville, encore une fois en ville et à l'hôpital. Et des antibiotiques vétérinaires. Je crois que c'est 2006 où on a aboli en France l'utilisation des antibiotiques. En Europe. Mais pas aux États-Unis. Et pas aux États-Unis, etc. Donc en 2006, en plus, il y a eu deux plans qui s'appellent Éco-Santé. Je crois que ça s'appelait Éco-Santé. Éco-Antibio 2, qui a montré que dans le monde vétérinaire, on a diminué de 20 à 25% la consommation des antibiotiques dans le monde vétérinaire. Donc voilà, le bon usage dans le monde vétérinaire, actuellement, il est opérationnel. France Reblot, sur cette question des antibiotiques vétérinaires ? Alors voilà, je crois qu'il faut bien souligner ça, parce que les vétérinaires ont fait ce que nous n'avons pas encore été capables de faire en médecine humaine. Et ça, je crois que c'est très important. On leur a demandé de diminuer de 25% en 5 ans leur consommation d'antibiotiques, et je crois qu'ils étaient à 32% à 5 ans ou 4 ans, si je ne dis pas d'erreur. Donc, ils l'ont fait, et évidemment, ça concerne des masses beaucoup plus importantes qu'en médecine humaine. Mais je crois que surtout, ce serait une erreur de dissocier l'un de l'autre. Il faut vraiment s'attaquer au problème sur tous les fronts. Où en est-on aujourd'hui justement de la recherche de nouveaux antibiotiques, de nouveaux antibiotiques de dernier recours, puisque on arrive aujourd'hui, comme vous le disiez tout à l'heure Jean-Luc Ménardi, à des phénomènes de résistance sur ces derniers antibiotiques qui sont des antibiotiques hospitaliers qu'on utilise en cas d'infection multirésistante. Et comme je vous le disais, la recherche en particulier privée n'a pas mis de moyens récents sur cette thématique. Il n'y a pas vraiment de nouveaux antibiotiques. À cause précisément des mécaniques de résistance, c'est-à-dire que ce n'est pas rentable parce que très vite... beaucoup d'investissements peuvent conduire à un antibiotique qui va servir finalement sur une fenêtre de temps très très courte. On peut aussi dire que c'est pas rentable parce qu'à la différence d'une maladie chronique, eh bien le patient il prend toute sa vie des médicaments. Alors qu'une situation de maladie infectieuse d'origine bactérienne, si fort heureusement le patient est traité avec les bons antibiotiques, très souvent il en guérit. Donc et comme on va de plus en plus maintenant sur des recommandations de traitement court par les antibiotiques, 5, maximum 7 jours, forcément vous voyez que la rentabilité est plus faible que sur une maladie chronique. Cependant, il y a quand même des recherches qui se font, et en particulier vis-à-vis de ces fameuses entérobactéries dont on a parlé, les BLSE ou celles qui produisent des carbapénémases. On a des nouveaux inhibiteurs de la production de ces bêta-lactamases, qui voient le jour en association avec les antibiotiques et qui, à mon avis, sont tout à fait intéressants en clinique, à condition, bien entendu, de bien les utiliser. Puisqu'on parle d'investissement et de financement par les laboratoires privés, on en parlait tout à l'heure, hein, l'ONU vient de lever 13 milliards de dollars annuels, donc c'est une somme considérable, avec pour objectif d'éradiquer la tuberculose en 2030, puisqu'on voit de plus en plus d'émergence de souches de tuberculose multirésistante, qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la tuberculose est la maladie infectieuse la plus mortelle au monde, puisqu'elle est plus mortelle que le VIH, elle fait plus de morts, 1,6 million par an. Aujourd'hui, c'est un objectif qui vous semble atteignable, compte tenu de la palette de dispositifs thérapeutiques alternatifs dont on dispose pour lutter efficacement et pour faire disparaître la tuberculose, France Roblot ? Alors là, on atteint un problème extrêmement compliqué, parce que les tuberculoses, comme on dit, XDR ou MDR, c'est-à-dire multirésistantes ou ultra-résistantes, surviennent essentiellement dans des pays qui n'ont pas forcément accès à toutes les molécules. On a quand même, c'est quand même une maladie pour laquelle on a eu deux antibiotiques nouveaux ces dernières années. C'est quand même pas si fréquent, donc il faut le souligner. Mais néanmoins, c'est vrai que pour ces souches, on est amené maintenant à utiliser pour les patients des molécules qu'on utilisait il y a 25 ans ou 30 ans. Donc, c'est-à-dire de ressortir des vieux antibiotiques. Exactement, on ressort des vieux antibiotiques et ce qui fait que l'utilisation est quand même assez complexe. J'appelle vraiment de tous mes voeux que ça puisse être éradiqué, mais j'aimerais être là pour constater effectivement l'éradication de la tuberculose. En 2030, ouais. Avec 13 milliards de dollars annuels, c'est beaucoup d'argent. Enfin, c'est parce qu'on maîtrise mal les grands chiffres. Hein. 13 milliards, c'est beaucoup. C'est un gros effort de financement au niveau international, Jean-Luc Ménardi. Oui, c'est un effort important. Je pense que tous les pays maintenant vont consacrer un financement pour la lutte contre la résistance, et en particulier en France. Et le ministère a annoncé en fin d'année dernière 40 millions d'euros sur un projet qui sera coordonné par l'INSERM pour cette thématique d'antibiorésistance, avec lequel il y aura plusieurs volets, un volet épidémiologique, un volet de détection de la résistance, un volet de recherche de nouvelles thérapeutiques en particulier. Peut-être un dernier mot pour parler justement de la recherche française, puisqu'une équipe INSERM lilloise travaille sur un nouveau type de traitement antituberculeux, justement le SMART 420. Jean-Luc Ménardi, qui est capable de supprimer, je vous laisse commenter ça, la résistance à l'éthionamide. En fait, le principe, c'est le principe d'une prodrogue. C'est qu'en fait, on administre au malade une drogue qui n'est pas active a priori. Ensuite, elle est clivée dans l'organisme. C'est-à-dire En fait, on coupe la partie qui la rend inactive. Mmh. Et la partie active va agir contre la bactérie responsable. Ceci permet essentiellement aussi de pouvoir utiliser des plus fortes posologies, dans la mesure où on administre plus de principes actifs que lorsque on n'utilise pas cette combinaison. Un dernier mot de conclusion, France Roblot. Il est encore important aujourd'hui de continuer à sensibiliser les gens, à rappeler que l'antibiotique, alors on ne va pas dire que ce n'est pas automatique, on en a marre de cette formule, mais de rappeler qu'il ne faut pas attendre de votre médecin qui vous prescrit systématiquement des antibiotiques. Il faut encore faire de la formation dans les écoles de médecine, peut-être même dès l'école pour les enfants, dès le collège ou le lycée. Ah oui, je crois qu'il faut faire de la formation dès l'école, chez les tout-petits, chez les adolescents, chez les jeunes, parce que les jeunes actuels sont les futurs éventuels consommateurs et parfois demandeurs d'antibiotiques. Donc vraiment, c'est chez eux qu'il faut inculquer ces règles de bon usage qui sont essentielles pour limiter la résistance. Jean-Luc Ménardi. La résistance aux antibiotiques, c'est un problème à la fois économique, on l'a bien vu, politique, social, avec l'éducation. C'est un problème de médecine, c'est un problème de recherche. Donc voilà, il faut continuer. Donc voilà, un verre d'eau, un Doliprane et au lit. Merci beaucoup à tous les trois, Jean-Luc Ménardi, France Roblot. Merci également à Marion Patowski d'être venue nous présenter vos travaux. Merci à nos camarades de France Bleu Poitou à Poitiers pour le duplex. Un mot pour vous dire que, comme tous les mercredis, c'est le jour du podcast Les Idées Claires sur votre application de podcast favorite, mais aussi sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Le thème des Idées Claires aujourd'hui, la France est-elle trop généreuse avec ses chômeurs? C'est l'actualité, le Premier ministre demande des contre partie. On a quelques éléments de réponse dans les idées claires du jour. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Bruno Gagnère-Fontani à la technique aujourd'hui. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, ce sera un jeudi histoire des sciences. Nous retracerons l'histoire d'un projet qui a bouleversé à tout jamais la face du monde. Celui qui fit dire, selon la légende à Robert Oppenheimer, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Nous parlerons de l'histoire du projet Manhattan et de la bombe atomique demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.